la clarté par laquelle ils resplendiront comme autant de soleils et d'étoiles, l'agilité par laquelle ils pourront se transporter en un moment et sans fatigue d'un lieu à un autre et de la terre au ciel, la subtilité par laquelle, sans obstacle, ils pourront traverser tous les corps comme fit Jésus-Christ ressuscité. Comment seront les corps des damnés ? Les corps des damnés seront privés des propriétés glorieuses des corps des bienheureux et porteront là marque horrible de leur éternelle réprobation. Chapitre 13, le 12e article. Que nous enseigne le dernier article, la vie éternelle ? Le dernier article du Credo nous enseigne qu'après la vie présente, il y a une autre vie, ou éternellement heureuse pour les élus dans le paradis, ou éternellement malheureuse pour les damnés dans l'enfer. Pouvons-nous comprendre le bonheur du paradis ? Non, nous ne pouvons comprendre le bonheur du paradis, parce qu'il surpasse les connaissances de notre esprit borné, et parce que les biens du ciel ne peuvent pas se comparer aux biens de ce monde. En quoi consiste le bonheur des élus ? Le bonheur des élus consiste à voir, à aimer et à posséder pour toujours Dieu, source de tout bien. En quoi consiste le malheur des damnés ? Le malheur des damnés consiste à être toujours privé de la vie de Dieu et puni par d'éternels tourments dans l'enfer. Les biens du paradis et les maux de l'enfer sont-ils seulement pour les âmes ? Les biens du paradis et les maux de l'enfer ne sont en ce moment que pour les âmes, parce qu'en ce moment il n'y a que les âmes qui soient au paradis ou en enfer. Mais après la résurrection de la chair, les hommes dans la plénitude de leur nature, c'est-à-dire en corps et en âme, seront ou heureux ou tourmentés pour toujours. Les biens du paradis seront-ils égaux pour les élus et les maux de l'enfer égaux pour les condamnés ? Les biens du paradis pour les élus et les maux de l'enfer pour les damnés seront égaux dans leur substance et leur éternelle durée, mais dans la mesure où le degré, ils seront plus grands ou moindres selon les mérites et les démérites de chacun. Que veut dire le mot « Amen » à la fin du credo ? Le mot « Amen » à la fin des prières signifie « Ainsi soit-il ». À la fin du credo, il signifie « Il en est ainsi », c'est-à-dire « Je crois à la vérité absolue de tout ce que contiennent ces 12 articles et j'en suis plus certain que si je le voyais de mes propres yeux ».